L'actualité à Nancy et ailleurs. Bal folk à Mirecourt le samedi 10 novembre à l'espace Flambeau. Et un bal folk qui est organisé par l'association Indeutrade. Bonjour. Bonjour. Aurélia Reynaud, donc, qui va représenter l'association Indeutrade. Quelle est votre fonction au sein de l'association et au sein du groupe, car c'est également un groupe? Alors, je suis présidente pour la partie associative et je suis aussi animatrice pour la partie danse. Parce qu'on a deux ateliers, on a atelier musique et atelier danse. Voilà, parce que là, on parle d'une soirée folk qui va avoir lieu donc le 10 novembre, mais tout au long de l'année, l'association propose diverses activités. Tout à fait. Alors, on a un atelier danse un mercredi sur deux, les semaines paires, donc à l'espace Flambeau. Et puis, on fait des animations musique dans différents endroits. Donc, ça peut être pour des brocantes ou pour des fêtes de village. L'association existe depuis combien de temps? Elle a été créée en 2001, donc voilà, elle est un peu ancienne maintenant. Mais moi, je suis présidente que depuis 6 ans. Alors, parlons maintenant de ce rendez-vous du samedi 10 novembre avec deux groupes au programme. Bien évidemment, le groupe Indeutrade. Oui, tout à fait. Oui. Donc, notre groupe de musique. Donc, c'est un groupe d'amateurs qui fait ça pour son plaisir. On aura donc 5 musiciens, dont 2 accordéons diatoniques, une dielle à roue, un nickel harpa et un baudran. Et donc, le deuxième groupe qui sera présent, là, ce sera La Machine. De moi, n'ayez donc pas peur. Donc La Machine est un groupe de musiciens professionnels qui tourne sur toute la France. Ils sont 4 musiciens, donc on a une dielle à roue, des percussions, une contrebasse et un violon cornemuse. Donc là il s'agit bien sûr d'un bal folk. Alors musicalement, la musique folk c'est un panel très très large. Comment vous situez-vous, aussi bien le groupe que La Machine? Alors La Machine a un répertoire plus de Centre-France que nous on appelle, donc ça va être beaucoup de bourrées de temps, bourrées de trois temps, du Berry, parce que voilà, il y a plusieurs sortes de bourrées. Il va y avoir des ronds d'argenton, mais aussi des danses de couple comme la valse, la polka ou la mazurka, voilà, pour les puristes. Et pour ce qui concerne le groupe Indeutrade? Ça va être un répertoire beaucoup plus varié avec du breton, on va retrouver aussi du sud-ouest, quelques danses d'Alsace avec des branles, et voilà. D'accord. Alors, pour s'adresser à des personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans une soirée folk, qu'est-ce que vous leur diriez, sachant qu'il y a beaucoup de danses qui sont très accessibles, voilà, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de venir essayer et de participer? C'est très facile de rentrer dans les danses folk, il y a toujours des gens qui vont vous montrer les pas. Il faut juste savoir marcher, mettre un pied devant l'autre, donc le niveau de difficulté n'est pas très compliqué. Même si on n'est pas tout à fait dans le rythme, on arrive toujours à passer un bon moment. Et c'est un moment d'échange aussi et de partage avec les musiciens et avec les autres danseurs. Alors où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos concernant cette soirée folk? Alors on peut retrouver sur notre blog, donc indeutrade.overblog.fr, et aussi sur la page Facebook de notre association Indeutrade. Voilà, donc le bal folk c'est à Mirecourt, à l'espace Flambeau, le samedi 10 novembre à 21h. L'entrée c'est 10€, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce qu'il est nécessaire de réserver pour son entrée? Non, pas du tout, non, on trouvera toujours de la place pour les danseurs, il n'y a pas de souci. Très bien, ben Aurélia Reynaud, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.